20h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. L'archéologie pariétaliste, celle-là même qui étudie l'art des cavernes, s'avère aujourd'hui tout à la fois une technique descriptive et une science humaine à la traîne. Au cœur des profondeurs de ce qui fut les premiers sanctuaires de l'humanité, les archéologues n'ont pas su élaborer un discours, mettre en place théories et modèles, laissant cet exceptionnel art cavernicole, issu du fond des âges, en jachère. Loin des historiens de l'art préhistorique, j'ai croisé mon invité à deux reprises, voici près de 20 ans, sous le porche d'une grotte de Dordogne, plus récemment au pied d'abris sous roche scarifiés par l'homme et aujourd'hui couverts de fougères. À chaque visite, notre conversation porta sur le pourquoi de cet art. Jean Rouault, bonsoir. Bonsoir. Écrivain, prix Goncourt pour les champs d'honneur, vous aimez les cavernes, mais surtout ce soir, proposez aux auditeurs de France Culture de prendre les chemins de l'imaginaire, une approche poétique et très originale de cet art pariétal, au travers d'un livre salué par la critique, « La splendeur escamotée de Frère Cheval », publié aux éditions Grasset. Ne nous fâchons pas, ne les fâchons pas. Si les archéologues en sont là, c'est parce qu'ils tentent depuis plus d'un siècle de disséquer les preuves, Jean Rouault. Le problème des préhistoriens, c'est qu'ils se sont mis du côté de la science. Et comme les historiens eux-mêmes, comme ça a été aussi à un moment la tentation de la littérature, c'est Barthes qui dit « s'il est vrai que j'ai longtemps cherché à inscrire mon travail dans le champ de la science », parce que la science était toute puissante. L'archéologie, la préhistoire apparaît à la fin du XIXe siècle, en pleine période positiviste, et il n'est de salut que par la science. Là, nous sommes devant une représentation qui s'apparente de toute façon au symbolique et au sacré, et devant lesquelles les scientifiques bronchent, puisque la science s'est fondée contre la parole révélée. C'est la vérité révélée, la vérité de la science contre la vérité révélée des écrits bibliques. Et donc, là où ils coincent, là où ils bronchent, c'est de faire ce saut qui les oblige à quitter le champ de la science pour affronter l'inconnu, c'est-à-dire le monde de l'esprit. L'archéologie pariétaliste est pour vous donc totalement matérialiste? Bien sûr. Et alors, ils ont poussé leur logique jusqu'au bout. Alors, ils ont fait un travail formidable pour savoir si tel trait passait dessus ou dessous, quelles étaient les techniques utilisées, etc. Ils se sont donné un sursis avec l'archéologie expérimentale, en apprenant à tailler des silex, à lancer des sagaies avec un propulseur, etc. Mais là, ils arrivent quand même au bout de cette... ils ont épuisé tout le potentiel scientifique, sans avoir répondu à la question fondamentale, à savoir pourquoi ces gens-là, il y a 25, 30 000 ans, ont fait ces choses-là. Vous optez pour une autre lecture, bien sûr, une pensée poétique, une pensée donc liée à l'imaginaire. L'idée, c'est de se mettre simplement à la place de ces gens. C'est-à-dire, vous reconstituez l'univers de leur contexte, de leur environnement. C'est un environnement sibérien, il n'y a pas de végétation. Et ensuite, vous vous privez de toutes vos connaissances, vous les mettez de côté et vous vous demandez qu'est-ce que c'est que ce jour, qu'est-ce que c'est que cette nuit, qu'est-ce que c'est que ce soleil, qu'est-ce que c'est que cette lune qui s'escamote et puis qui revient, qu'est-ce que c'est que ces étoiles, qu'est-ce que c'est que la grêle, les orages, l'arc-en-ciel, tout ce qui est profondément mystérieux quand on ne sait pas de quoi elle retourne. Or, pour tout, et on voit ça dans toutes les mythologies, face à ces grandes interrogations, principalement le retour du jour et la peur de la nuit, il faut créer un récit cohérent qui englobe toutes ces singularités, toutes ces étrangetés du monde et qui apaise. Les Aztèques, ils apaisaient ça d'une manière très particulière, puisque ça consistait à sacrifier des jeunes gens tous les matins pour s'assurer du lever du jour. Mais on voit bien que dans toutes ces cosmogonies, et nous pour la jeunesse c'est pareil, il s'agit de trouver un récit capable de rendre supportables ces aléas du monde. Alors vous dites quelque chose de très intéressant, vous dites « l'imaginaire n'a pas évolué ou varié depuis que l'homme est homme ». On continue de dire que le soleil se lève, qu'il se couche. On continue de parler d'un froid de canard, de tout un tas d'expressions de Julia Pierfendre qui sont, on parle des bois, des cervidés. On n'a pas besoin de parler de magdalénien pour savoir que ça vient de là. Si vous regardez un cerf, vous êtes dans un monde qui se vit comme une totalité. C'est aussi ça que nous disent les gravures. Et c'est-à-dire qu'il n'y a pas cette séparation entre la terre et le ciel. C'est une unité. Depuis Aristote, on a appris à classifier, à disséquer, à analyser. Mais quand vous voyez un animal comme ça, comme un cervidé avec ses bois qui tombent, qui poussent, comme de la végétation, c'est quoi la différence entre un arbre à ce moment-là, et enfin un arbuste, parce que des arbres, il n'y en avait pas, et un animal? On se trouve face à un animal-arbre, hein? Poétiquement, c'est la première chose qui vient à l'esprit. Donc, quand vous apprenez à fonctionner poétiquement, par analogie, parce que à chaque fois qu'on se pose une question devant l'inconnu, c'est toujours « ça ressemble à quoi ?» C'est la question qu'on va vous poser quand vous êtes amené à décrire quelque chose que vous ne connaissez pas. « Ça ressemble à quoi ?» Bien, c'est la première question que l'humanité se pose dès lors qu'elle arrive à concevoir cette idée de l'analogie, de la comparaison, de la métaphore. En tout cas, depuis que les Homo sapiens sapiens sont arrivés en Europe, on pense toujours de la même manière. L'imaginaire est un continuum, il stocke, trafique, mais n'oublie rien. On a une expression, par exemple, qui dit « l'hirondelle ne fait pas le printemps ». Ce qui veut dire que bon, on a été un petit peu abusé, mais qu'on a cru à un moment que l'hirondelle faisait le printemps. Et c'est pas annoncer le printemps, c'est faisait. Et donc ça dit une chose. Et quand on était à Cussac, je crois, et il y avait cette à Cussac, il y a deux oies. L'une avec le cou dressé, l'autre avec le cou incliné. Les oies, c'est pas parce qu'on est dans le Périgord. Les oies, c'est ce qui annonce les mauvais jours quand elles défilent dans le ciel, et les beaux jours quand elles repassent dans l'autre sens. Si vous considérez que ces oiseaux-là sont capables de prévoir le temps, elles sont peut-être aussi capables d'amener l'hiver avec elles. Et d'où elles, non seulement elles annoncent l'hiver, mais elles font l'hiver. Et quand vous êtes un prêtre étrusque et que vous voulez savoir ce qui va se passer dans l'avenir, eh bien vous ouvrez les entrailles des oiseaux pour essayer d'y lire l'avenir. Parce que ça veut dire que si elles ont ce pouvoir-là, les oies, ça veut dire que c'est à l'intérieur d'elles et qu'on va essayer de percer ce mystère-là qui font qu'elles sont capables non seulement d'annoncer l'hiver, mais de faire l'hiver. L'histoire ne le dit pas, nous avons visité ensemble l'exceptionnelle grotte de Cussac en Dordogne. Chacun y a ressenti des choses toutes personnelles, les trois boyaux, la marche pas à pas et pas dans les pas, l'étouffant taux de carbone qui fait palpiter le cœur en sortant, et puis bien sûr les oies. Vous, ça a été les oies? C'était les oies, puis le grand panneau terminal. Où on est vraiment, il y a tous ces longs couloirs comme ça qui sont comme un parcours initiatique. C'est vraiment le voyage des morts. Et on arrive devant ce grand panneau qui marque un arrêt. C'est-à-dire que vous avez une cavalcade furieuse avec un cheval, un bison, etc., qui ont tous un air inquiet sur le visage. Ils sont pas triomphants et ils se heurtent au front d'un mammouth et d'un canidé à côté. Alors le canidé, quand on pense à Cerbère, il y a quelque chose qui a dû traverser. Et visiblement, ils sont arrêtés. Et au pied de ce grand panneau, il y a deux bauges d'ours, c'est-à-dire que ce sont ces lieux où les ours se régénèrent. Les ours qu'on pouvait penser moribonds, qui soudain sortent de leur hibernation encore plus féroce qu'avant. Et dans ces bauges d'ours, qui sont donc des symboles de la résurrection, on a placé 6 ou 7 corps. Et donc, il est évident, quand on associe la bauge d'ours avec cette idée de ressortir comme ça de cette mort de l'hiver, et puis ce panneau qui marque une ligne de passage, on comprend qu'il s'agit de tenter de trouver un récit là aussi à ce passage de la vie à la mort. Et derrière ce grand panneau, il y a juste 3 points rouges. Pour nous, c'est simple, on voit ça comme un point de suspension, mais de fait, on a cette impression que, au-delà de cette frontière de la mort, il doit y avoir quelque chose, mais nous, c'est des Gravettiens. Sont des Gravettiens, oui. Il y a plus de 20 000 ans. Voilà, on ne sait pas. Les Égyptiens, eux, vont savoir. Au-delà, ils ont tout un programme avec un manuel, avec un guide de survie pour les morts. Mais là, face à ces morts que l'on dépose dans la Bauge, dont on pense leur vie ne va pas s'arrêter là, que de l'autre côté, il y a forcément quelque chose, mais en revanche, on ne sait pas encore. Alors, ce qui est exceptionnel dans cette grotte, c'est que, bien sûr, on y a un art tout à fait formidable, gravettien, donc plus de 20 000 ans, mais on a aussi enterré des morts dans des bauges, et notamment un corps le long d'une pente qui petit à petit s'écoulait. Et ensuite, que cette grotte a été visiblement totalement fermée. Oui, parce que s'il l'avait laissée ouverte, les charognards auraient fait un sort au cadavre. Donc, délibérément, la grotte a été fermée. Alors, est-ce qu'on a posé tous les corps en une seule fois, ou au contraire, est-ce qu'on l'a rouverte à chaque fois pour redéposer un corps? Mais le fait est que les squelettes, on les a vus, ils sont en état. La cage thoracique s'est effondrée avec le temps, mais les os ne sont absolument pas dispersés. Donc, on est dans un mausolée. Voilà. Donc, ce qui veut dire une pensée extrêmement élaborée, c'est-à-dire la pensée qui est toujours la nôtre de ces questions fondamentales de la vie après la mort ou pas, etc. Et là, il y a un récit, sachant que dans la Bauge d'ours, l'ours, on le retrouve quand même à Chauvet. C'est le seul animal incarné dans Chauvet. Tous les autres animaux sont figurés, sauf l'ours qui est en majesté, avec un crâne d'ours posé sur une pierre d'autel qu'on a amené. On avait pensé à un moment qu'elle était tombée du plafond, mais pas du tout. On l'a amenée, on a posé le crâne d'ours dessus. Et il est évident que de cet ours-là, on attend quelque chose. C'est que si lui, il a cet art de sortir de la mort de l'hiver, peut-être qu'il pourrait nous renseigner sur cet au-delà des apparences. Jean Rouault, qu'est-ce que la grotte? Bien entendu, les entrailles de la terre, mais aussi le territoire de l'autre. Je crois que c'est une simulation de l'univers. C'est-à-dire qu'il y a cet univers, il y a cette voûte céleste que l'on fait rentrer dans cette voûte de la grotte, parce que ce sont souvent des grottes voûtées, et dans des salles terminales comme ça, qui donnent cette impression d'un univers en miniature que l'on va recomposer. C'est un laboratoire. Hein, ce qu'on peut pas maîtriser avec les étoiles, les cosmos, on peut le faire avec un système de représentation. Ce qui veut dire que il ne faut évidemment pas voir dans le cheval un cheval. Le cheval est un principe actif. Qu'est-ce qui agit le soleil? Si le soleil se déplace, c'est qu'il a un principe actif. C'est pas une pierre que l'on pose là et qui va pas bouger aussi longtemps qu'on ne l'aura pas déplacée. Donc qu'est-ce qui agit? C'est quoi ce principe vivant qui fait que le soleil se déplace? Et à Étiole, on a trouvé une pierre gravée d'un cheval qui a été posée au bord d'un foyer. Et le cheval est agonisant, il a la langue pendante, il perd son sang et tout, il est vraiment mal en point. Et derrière lui, il y a une espèce de créature monstrueuse comme ça qui semble se réjouir de cette agonie. Et on a placé cette pierre gravée, ce galet, au bord du foyer. Et le foyer, c'est un disque, c'est un disque rougeoyant, c'est la représentation du disque solaire au moment où il plonge derrière l'horizon et qu'il va affronter la nuit. Et donc le cheval, pour affronter cette nuit, on le place au bord du foyer avec l'idée de le régénérer en chaleur et en énergie. Et donc l'association entre le cheval et le soleil, on la voit à Étiole. En plus, il y a des tas de représentations où la crinière des chevaux ont cette allure solaire comme ça des rayons. À Lascaux, c'est flagrant, mais vous avez à la marche dans un abri sous roche, vous voyez ces petits chevaux qui galopent et qui sont figurés uniquement par les rayons. On a l'impression d'un cadran solaire comme ça qui défile. Et donc le cheval, une fois qu'on comprend que dans cette symbolique, dans ce récit de ces gens, le cheval est ce principe actif comme ça du soleil, alors on lit très bien ce qui se passe dans les grottes. Vous le dites, la grotte est un simulateur de nuit, un caisson sensoriel des peurs nocturnes. C'est évident que quand vous êtes dans une nuit absolument noire, c'est terrifiant. On ne sait plus trop ce que c'est parce que toutes nos villes sont évidemment éclairés, qu'il y a juste, je crois, un seul triangle noir en France, qui doit être sur le cause de Gramat, ou genre comme ça, qui est absolument pas pollué par des lumières. Mais c'est terrifiant la nuit. Et c'est d'autant plus terrifiant quand c'est le lieu aussi où sortent certains animaux pas commodes. Et donc c'est le lieu des peurs par excellence. Et quand on associe par exemple l'ours vit dans cette nuit là dans les cavernes. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On confie à un enfant qui a peur de la nuit, on lui met dans les bras un ourson. Dans ce continuum, dans cette permanence des peurs, eh bien on fait toujours appel à celui qui était le maître de la nuit et le maître des grottes. Alors certains archéologues et psychanalystes freudiens ont repris cette idée, la place de l'émotion, la peur, la joie, pour même expliquer l'art rupestre. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes assez d'accord avec eux? L'émotion que l'on a donc, au travers bien sûr des peurs, mais aussi au travers du beau. Alors, il y a cette chose qui est surprenante et dont les préhistoriens ne parlent pas, c'est que pour les préhistoriens, un cheval est un cheval représenté. Or, il y en a qui sont extraordinaires, à Chauvet ils sont extraordinaires. J'ai eu dernièrement des photos inédites d'une paroi avec des chevaux qui sont au bord d'une fente. Et c'est absolument sublime, vraiment sublime. Dans d'autres grottes, il n'y a pas toujours que des cadors qu'on envoie sous terre. Mais globalement, c'est comme l'art religieux. Vous avez Michel-Ange, vous avez la chapelle Sixtine, et puis vous avez les ex-voto, avec des petits dessins un peu maladroits. Pour l'intention, c'est la même. Mais pour la réalisation, c'est pas le cas. En revanche, ce qu'on sait, c'est qu'on envoie sous terre, que ces gens-là envoient sous terre des gens dont ils savent qu'ils sont des maîtres, qu'ils sont capables de ce talent extraordinaire pour reproduire ce qu'ils ont sous les yeux. Et ça veut dire qu'ils ont fait leur preuve en surface. C'est pas sous terre comme ça qu'ils se mettent de but en blanc à dessiner ces animaux-là. Ça veut dire qu'il y a une observation formidable, qu'il y a une transmission, parce que c'est quand même, c'est une pensée qui va traverser 20 000 ans, identique à elle-même, et un art aussi identique à elle-même. Et dans des endroits, dans des lieux différents, on a retrouvé en Roumanie un rhinocéros contemporain de celui de Chauvet, et absolument identique. Et donc, c'est un art qui s'enseigne, qui ne va pas se perdre pendant 30 000 ans, et il y a cette idée que, pour affronter les esprits qui habitent les grottes, parce que ce sont des lieux évidemment hantés, peuplés, les grottes, on offre comme ce qu'il y a de plus beau. Voilà. Et dans un monde qui est une unité, c'est-à-dire qui n'est pas séparé entre la terre et le ciel, qu'est-ce qu'on peut offrir aux divinités qui ne soient pas les divinités elles-mêmes? Si tout est divinité, vous arrachez quelque chose au monde pour les leur offrir, et vous vous retrouvez à offrir à Dieu un doigt de Dieu. Donc il s'agit d'offrir de l'inédit, de quelque chose qui n'existe, qui n'est pas au monde. Et qu'est-ce qui n'est pas au monde? C'est le dessin. L'art n'est pas au monde. Vous pouvez admirer un beau paysage, mais là, ce qui va jaillir sur les parois des grottes, c'est quelque chose qui n'a pas d'antécédent, qui n'existe pas. Alors, bien sûr, il y a des choses que l'on peut comme ça deviner, à savoir que c'est sans doute l'ombre qui a amené le dessin, ou ce que l'on voit dans les grottes, comment il profite du relief de la grotte pour reprendre l'encolure d'un animal ou d'un mammouth. Mais le fait est que avant le dessin, il n'y a pas de dessin. Ce qui veut dire aussi, cette chose incroyable, c'est que il faut concevoir l'idée même du dessin. Et ça implique une pensée extrêmement élaborée. Dessiner, c'est étaler sur le mur une langue pensive? Oui. Ce que l'on voit, et ça, j'en suis certain, ce que l'on voit, c'est l'illustration d'un récit. Vous pouvez pas avoir ces panneaux-là organisés comme à Chauvet au Cussac s'ils sont pas adossés à un récit cohérent. Nous, on est habitués dans le catholicisme. Vous voyez une colombe au-dessus d'un berceau où il y a un nouveau-né. Vous vous dites pas, tiens, il a fait une colombe, pourquoi pas un perroquet comme chez Flaubert. La colombe, c'est le Saint-Esprit. Voilà. C'est pas une étude naturaliste, c'est dans la reproduction symbolique. La projection symbolique, la colombe, c'est Saint-Esprit. L'agneau, c'est celui qu'on va sacrifier, comme on sacrifie les agneaux au temple. Et ce bébé étant un agneau, voici l'agneau qui va mourir, qui va être exécuté. Donc c'est un effet d'annonce. Donc toutes ces représentations sont adossées à un récit que l'on connaît, nous, dans toutes les églises, c'est les récits de la Genèse et de l'Ancien et Nouveau Testament. Et donc pour eux, également, il y a un récit fondateur dont on a les projections sur les parois. Un objet préhistorique vous semble être un bon indice pour percevoir la pensée préhistorique, une sorte de bâton percé surmonté de trois thèmes. Alors il y a vous avez un poisson, un cervidé et un oiseau. Donc vous avez les trois éléments, l'eau, la terre et l'air. Et il manque le feu, mais le bâton lui-même est porteur de ce feu-là, puisque c'est en bois cervidé, mais enfin le bois, on a retenu le même nom pour le bois d'arbre et le bois de cervidé, c'est quelque chose qui est porteur en soi du feu, puisqu'il est capable de s'enflammer. Et il y a un autre bâton, le bâton de Lordet. On voit des saumons qui remontent dans un sens et ils sont cabrés comme s'ils affrontaient le courant de la rivière. Et puis de l'autre côté, il y a des cervidés qui descendent. Et avec une biche qui tourne la tête comme si elle appelait son veau derrière elle. Et bien, on peut dater exactement le moment de l'année. Les saumons remontent au printemps. Les cervidés ont mis bas les biches en mois de juin. Donc on est en septembre. Les cervidés qui repartent dans l'autre sens pour éviter l'hiver. Et il y a la maman qui appelle son veau, qui n'est pas très vaillant sur ses jambes, de lui se dépêcher pendant que les saumons remontent. Donc ce sont aussi non seulement des annonciateurs, mais ce sont aussi ce sont les forces mêmes du monde qui sont agissantes sur ce bâton-là. Je rappelle pour les auditeurs du magazine d'archéologie de France Culture que nous évoquons avec Jean Rouault son dernier livre, La Splendeur Escamotée de Frère Cheval. Notre plus vieille grotte Chauvet est un récit savant, élaboré, structuré. Ni scène de chasse, ni totémisme. Dans ce cas, que raconte, mais surtout que se racontent ces panneaux d'animaux, ces mammouths affrontés par exemple? C'est un récit cosmogonique. Et pas forcément de création, mais sur l'organisation du monde. Le grand panneau terminal de Chauvet, c'est un diaporama nocturne. On voit ces animaux terribles qui sont... On parle toujours du troupeau des étoiles, par exemple. Eh bien, vous avez des troupeaux de lions menaçants. Et puis, dans une alcôve, vous avez un petit cheval noir qui semble apeuré. Surtout qu'il y en a un autre un peu plus loin, comme s'il devait traverser tous les deux cette furie des fauves pour espérer passer de l'autre côté sans encombre. C'est une traversée de la nuit pour les deux petits chevaux noirs. Il y a un effet presque de bande dessinée comme ça entre le premier et le deuxième. Et quand il est dans cette alcôve, il se dit, mon Dieu, pourvu que je réussisse à passer de l'autre côté, alors que tout autour de lui, c'est menaçant. Toutes ces figures qui ne sont pas le petit cheval là, sur ce grand panneau, ce sont les figures de la nuit, c'est un récit de la nuit. Voilà. Pour vous, la basilique de Saint-François à Assise se rapprocherait de Chauvet. Il raconte de la même façon que l'image est l'expression d'un réel divinisé. François d'Assise est le seul, comme ça, et le dernier, à ne pas s'être coupé, comme ça, de notre humanité animale. Après, on va arriver au XVIe, XVIIe, on arrive à Descartes, se rendre comme maître et possesseur de la nature, c'est l'homme tout puissant. Le Saint François d'Assise, dans son cantique, dit, béni sois-tu Seigneur pour toutes tes créatures. C'est comme ça qu'il y a l'histoire du loup de Goubiot, c'est comme ça qu'il appelle son corps frère âne, et c'est en cela qu'il a une vraie parenté avec les paléolithiques, c'est qu'il refuse cette domination de l'homme sur l'animal. Jean Rouault, il faut dire que l'homme préhistorique et nous-mêmes serions mal dans notre peau, et c'est peut-être pour ça qu'on vit dans la peau des autres. De toute façon, c'est le seul animal à ne pas vivre dans sa peau, puisque dans ces températures sibériennes, il est évident qu'il n'aurait pas traversé. Donc, il s'est glissé dans la peau de l'autre. Alors, c'est évidemment la peau des grands mammifères et des animaux à fourrure, ou enfin, en tout cas, ils se sont revêtus de ce cuir-là, ce qui les a obligés aussi à cette invention géniale de l'aiguille. L'aiguille à chat remonte à 20 000 ans chez les Magdaléniens, ce qui veut dire qu'ils faisaient des habits de peau extrêmement ajustés, c'est-à-dire qu'ils se moulaient littéralement dans la peau de l'autre. Et se mouler dans la peau de l'animal, rentrer dans la peau de l'animal, c'est pas simplement se prémunir des rigueurs du froid, c'est aussi prendre sa force, prendre son énergie. Tous les animaux représentés, les grands mammifères dans les grottes, eux ne semblent pas souffrir de cette rigueur comme ça du climat. Ils sont tout puissants, ils se développent. Vous avez la puissance sexuelle du taureau, la puissance formidable du mammouth, la vitesse du cheval. Eux ne semblent pas inquiétés par ces conditions. Donc, qu'est-ce qu'ils ont aussi en eux comme loi là qui fait l'hiver? Qu'est-ce qu'ils ont aussi en eux qu'on pourrait prélever pour nous pour acquérir cette force, cette énergie, cette vitalité? Cette puissance. Et donc, l'homme est celui qui va chercher en l'autre sa puissance. Ainsi, pour vous, l'aspect divin de l'homme serait ce qu'il a gardé en lui d'animalité ? C'est-à-dire que l'animal va servir de médium, on le voit avec le cheval, avec ce qui va être la figure toute puissante, c'est le soleil, qu'on va retrouver dans le roi soleil, qu'on va retrouver dans le char du soleil chez les Grecs, et évidemment le char du pharaon... chez les Égyptiens. Et donc la confrontation va se faire au néolithique entre où les animaux disparaissent, où ils ne sont plus reproduits ou de manière vraiment très très schématique, de petites cornes pour faire un bovidé. L'homme a éliminé celui qui l'a fait roi et il entame maintenant son tête-à-tête avec le ciel. C'est-à-dire que, au travers de ce galet d'Étiole, qui date de 13 000 ans et qui a été trouvé donc dans l'Essonne, vous le racontiez tout à l'heure, découvert près d'un foyer, on serait là sur un des symboles majeurs de la préhistoire, à savoir la représentation, peut-être pas du soleil, mais du moins de la course du soleil. On est au cœur de la machine. Comment participer à cette course-là? Comment s'approprier le soleil, puisque c'est le secret du jour et c'est aussi celui qui met fin à la terreur de la nuit. Donc, quelle est cette puissance du soleil? Je veux être le soleil, dit ce foyer d'Étiole. Et au néolithique, avec Stone Age, avec Göbekli Tepe en Turquie, ce cercle-là, comme ça, c'est le soleil apprivoisé, et à Karnak, ces alignements comme ça de pierre avec ce disque de pierre en tête des alignements, c'est le soleil qu'on a réussi à plaquer au sol et dont on est devenu le complice. Est-ce que ce cheval soleil serait à opposer au taureau, à la vache nocturne? Et là, on rejoindrait un système duel un peu de Leroy Gourhan qui voyait donc des mâles d'un côté, des femelles de l'autre. À Lascaux, c'est ça. Pas Chauvet, on n'en est pas encore là. Mais à Lascaux, bien sûr, la grande vache noire, et c'est le noir, c'est évidemment la couleur des ténèbres, mais la vache, c'est une vraie citerne de lait. Hein? C'est-à-dire qu'elle porte la blancheur en elle, et la blancheur, ben c'est l'aube naissante, c'est le lait nourricier, c'est la blancheur du sperme, etc. C'est un principe de vie. Donc, on n'a plus de raison d'avoir peur de la nuit, puisque la nuit elle-même est porteuse comme ça de cette blancheur de l'aube. Jean Rouault, le cheval soleil, la vache lait, éventuellement la revanche de l'homme, ce sera leur domestication. Enfin ça, c'est une de mes hypothèses. En fait, on ne va pas domestiquer le cheval et les bovidés pour des raisons pratiques, économiques, de valeur d'usage, mais pour ce qu'ils représentent symboliquement, c'est-à-dire les principes cosmiques du jour et de la nuit. Donc quand on domestique le cheval, dont on ne va pas faire grand-chose pendant longtemps, avant qu'on découvre le collier et puis les étriers, c'était pas très pratique un cheval. Donc c'est quand même un des premiers animaux domestiqués, et ce qu'on domestique à travers lui, c'est la puissance du soleil. Jean Rouault, merci beaucoup. À lire donc absolument La splendeur escamotée de Frères Cheval ou Le secret des grottes ornées, publié chez Grasset. Merci. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Bernard Lagnel et avec la contribution d'Anne-Catherine Lochat. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de franceculture.fr ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr. La semaine prochaine, le magazine d'archéologie de France Culture se penchera sur le pouvoir chez les Mayas.